إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue إن شاء الله تعالى. Explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, du grand savant Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr, hafizahullah ta'ala. Aujourd'hui, on va étudier un passage de Surat al-Dhariyat. Et avant cela, on revient sur un verset qu'on avait expliqué le dernier cours, et qui est la parole d'Allah Azzawajal suivante. Donc, fi Surat Qaf, on avait expliqué plusieurs versets, c'est-à-dire du 16 jusqu'au 18. On avait expliqué le dernier verset choisi, du passage choisi par le Shir, qui était le verset 18, lorsqu'Allah Azzawajal dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Si on peut remettre ce verset, c'est le verset 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On avait simplement expliqué une règle, on revient à cette règle. Le dernier cours, on fait simplement en fait une révision. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Le Cheikh, il avait expliqué ici pour choisir un des avis des savants. On avait vu que le terme employé ici, c'est qawl. Donc on comprend bien sûr, lorsqu'on revient à la traduction, on ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc on a vu que c'était les anges qui inscrivaient les bonnes et également les mauvaises actions. Donc les savants ont divergé pour savoir quel est le type de parole qui est inscrit. Est-ce que ce sont en fait les paroles et même de façon plus générale les actes, parce que le shir avait parlé d'actes, donc c'est encore bien plus général encore, parce qu'on dit acte, c'est encore plus général que simple parole. Donc est-ce qu'on écrit, est-ce que les anges ils écrivent, celui qui est à droite, celui qui est à gauche, est-ce qu'ils écrivent les actes qui engendrent une bonne récompense ou qui engendrent un châtiment, simplement, sans donc écrire ce qui est permis, c'est-à-dire la amal al-jay, ce qui est permis et qui donc n'a pas de récompense et n'a pas également de châtiment. Donc on a vu qu'il y avait une différence ou une divergence entre les savants à partir de là. Et que certains savants donc voyaient qu'on écrivait toute chose, et plus particulièrement tout ce qui sort de la bouche de l'homme. Même on avait dit jusqu'à Hatta al-Anin fil marab, jusqu'au gémissement et la plainte durant la maladie. Ça c'est un avis des savants. Donc toute chose est écrite. Et bien sûr, l'autre avis, c'était qu'il écrit simplement al-amal de façon générale, ou la parole qui va engendrer soit une récompense ou soit un châtiment. Et les autres choses qui ne rentrent pas dans cela, dans cette catégorie, ne sont pas inscrites. Ça, c'était un autre avis des savants. On avait dit, Mutafiqoun, ils sont tous d'accord pour dire qu'à la fin, de toute manière, ce qui va compter par rapport au Hisab, le jour des comptes, c'est ce qui va bien sûr engendrer une récompense ou un châtiment. Et que ceux qui avaient écrit et qui n'influencent pas donc sur cela sera effacé. À la kulli hal. Le shir, il avait vu que l'avis, d'après ce qu'on comprend de l'avis du shir, c'est qu'il va prendre l'avis où tout est écrit. Il va se baser sur une règle par rapport à la compréhension du verset, le suivant, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. C'est-à-dire, il ne prononce pas une parole. Donc ici c'est pour la parole de façon plus particulière. Et bien sûr, de manière plus générale, tout ce qui va être de l'ordre de l'acte. Allah al-Musta'an. Il va se baser donc sur une règle pour comprendre le verset. On avait vu ici, il nous disait que ce terme, que le verset ici, Ma yalfidhu min qawlin. il l'a décortiqué. Il a dit min qawlin nakiratun fi siyaq an-nafi zuidat qablaha lafdhatun min nakiratun. Le premier terme nakiratun, c'est-à-dire indéfini. Et on voit bien qu'ici qawlin c'est indéfini. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas précédé par le alif al-lam lit-ta'rif, c'est-à-dire celui qui va le rendre défini. La particule alif ou les particules alif ou lam qui va le rendre défini. Et on voit également qu'à la fin du terme il y a un tanwin qui se traduit ici par qawlin. Donc on voit le tanwin à la fin. Donc c'est bel et bien un terme qui est indéfini. Ensuite fi siyaq nafi, on voit qu'au début du verset ma yalfidhu min qawlin ma, le ma ici, on a vu que dans la langue arabe il y avait plusieurs catégories de ma, al ma, et ici plus particulièrement il définit quoi? La négation. Donc il est dans un contexte ou une exposition négative. Ma yalfidhu, c'est-à-dire bimarna la yalfidhu. Bimarna la yalfidhu. Alors marna ma. Ma linnafi. Taïb, donc ma nafiyahuna. C'est le deuxième point qu'il nous donne. Ensuite, le troisième point. Zuidat qabla lafdatu min. C'est-à-dire qu'il va y avoir, après le verbe yalfidhu, et avant qawlin, qui est le terme donc qui nous importe, qui nous est important ici, il va y avoir une autre particule qui vient s'ajouter et qui est le min, min. Taïb. Il dit bien zuidat, c'est-à-dire qu'en fait le min ici, zaïda, c'est-à-dire qu'il est en plus. Il vient en plus min. Pourquoi? Parce qu'à la base, le verset au niveau de sa construction, ma yalfidhu qawlan illa ladayhi raqibun atid. Ma yalfidhu qawlan illa ladayhi raqibun atid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc, comme on le traduit, mais elle ne prononce pas une parole, il ne prononce pas deux paroles. Donc, à la base, c'est ma yalfidhu qawlan. Et qawlan, bien sûr, ici, au niveau de langue arabe, ça va être un complément d'objet, c'est-à-dire maf'ul bihi. Ma yalfidhu qawlan. Ça, c'est à la base de la phrase. La phrase à sa base, elle est comme cela. Bien sûr, au niveau de la langue arabe. Ma yalfidhu qawlan. Et on comprend tout à fait. On va comprendre tout à fait le sens de la phrase. Mais ici, il y a un procédé linguistique qui est employé et qui revient dans la langue arabe de façon générale dans le Coran. C'est qu'on a mis en plus min. C'est qu'on a rajouté min. Et donc ici, min zaïd. Taïb. Et lorsqu'on va bien sûr comprendre le sens et qu'on va analyser la phrase au niveau grammatical, on va comprendre que min qawl, donc min ici, ça sera bien sûr harf jar wa qawlin majrur al jar wal majrur laysa kadhalik. Donc min qawlin, on voit bien ici qawlin, on voit bien que alamat al jar al tasra al zahira fi akhir, et que min qawlin fi mahal al nasb. Min qawlin fi mahal al nasb. Pourquoi? Parce qu'à la base la parole c'est ma yalfidhu qawlan. Donc lorsqu'on revient au mahal, naqul mahal al nasb. On a mahal al-nasb min qawlin. Cette phrase ou ces deux termes ensemble, ils sont fi mahal al-nasb. Taïb. Donc, à partir de là, ce procédé qui est utilisé, et lorsqu'on rajoute min dans cette phrase-là, et on voit bien qu'elle est rajoutée. Parce que si on n'avait pas rajouté min, on aurait très bien pu comprendre le sens. Mayal fi-vu qawlan. On a rajouté min. Et à partir de là, le procédé, qu'est-ce qui va nous apporter au niveau du sens? Comme dit le shir, fahiya nassun, nassun sarihun, sarihun fil umum. C'est-à-dire donc que la phrase, à partir de là, elle va prendre un aspect général. Et lorsqu'elle prend un aspect général, dans le contexte ici, ça veut dire que ça va être n'importe quelle parole. Toute parole, que ce soit une parole qui va engendrer une récompense ou non, ou que ce soit même un gémissement, une plainte, taïeb, tout cela va être écrit. Donc c'est à partir de ce procédé linguistique que le shir il va nous faire part de la vie qui va en apparence être le plus fort. Donc ça c'est un rappel par rapport au cours dernier. Donc on revient au cours d'aujourd'hui. Surat al-Dhariyat. Yaqul Allah Azza wa Jal. Aou, yaqul le shir, qawluhu ta'ala. Wa ma khalaqtu al-jinn wal-insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Où je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force inébranlable. Donc ça, c'est les versets 56 et 58 de Sourate Al-Dhariyat. يقول الشيخ بين الله عز وجل في هذه الآية أنه خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له أي لأمرهم ونهيهم ومن أطاعوا أثابه ومن عصوا عاقبه وأنه سبحانه وتعالى الغني عنهم وهم الفقراء إليه كما قال عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. C'est في سورة فاطر et le verset 15. Donc le shir, il nous dit dans ce verset qu'Allah Azzawajal met en évidence qu'il a créé les hommes et qu'il a créé également avant les djinns. On voit ici, et le shir va revenir par rapport à cela, que le premier terme employé ici c'est al-djinn et le deuxième terme al-ins. Al-djinn ou al-ins, uniquement pour son adoration. Lui seul, Allah subhanahu wa ta'ala, sans aucun associé. C'est-à-dire donc pour ses ordres et pour ses interdictions. On va revenir également à la compréhension du verset. On va voir que le verset, il a une compréhension qui est bien précise et que les savants à partir de là ont divergé. C'est-à-dire dans le verset, le premier verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِيُنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et ensuite, bien sûr, ce qui est évident, c'est que celui donc qui va suivre Allah Azza wa Jal dans cela, dans ses ordres et dans ses interdictions, alors il aura la récompense. Et celui qui fait acte de désobéissance par rapport à cela, alors il aura un châtiment. Sa rétribution sera un châtiment. Et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, pureté à Allah, azza wa jal, c'est lui le riche. Il est riche de ses créatures. Il n'a besoin en aucun cas de ses créatures. Et que les créatures tous ont besoin de lui. Tous ont besoin de lui, ils sont pauvres devant lui. C'est pour ça ensuite qu'il avait cité un verset qui va dans le même sens. Donc ici, tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. Explication du Coran par le Coran. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah, wallahu al-ghaniyyul hamid. Ô homme, vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout et il est le digne de louange. Tayyib. À partir de là, et ensuite, le shir, il cite également un autre verset qui va également dans ce sens et qui est le verset fi surat al-An'am, qui est le verset 14. Qul أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. Dit, devrais-je prendre pour allier autre qu'Allah, le créateur des cieux et de la terre? C'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. On va revenir également sur ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le shaykh va nous rapporter la parole de l'imam Al-Qurtubi dans son tafsir. Il dit, et donc maintenant il va revenir à l'explication du premier verset. Comme on l'a dit, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Comment on va comprendre ce verset? يَقُولْ قِلْ إِنْ هَذَا خَاسٌ فِي مَنْ سَبَقَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ يَعْبُدُهُ فَجَاءَ بِاللَّفْظِ الْعُمُومِ وَمَعْنَى الْخُصُوصِ الْمَعْنَى وَمَا خَلَقْتُ أَهْلَ السَّعَادَةِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيُوَحِّدُونَ. Ça, c'est l'avis de l'imam Al-Qurtubi. Ou plutôt, il va rappeler un des avis qui a été donné l'imam Al-Qurtubi. Il va rappeler un des avis qui a été donné lorsqu'il dit dans son tafsir, qil, c'est-à-dire on a dit, à partir de l'explication ou le sens de ce verset. Il nous dit, pour bien comprendre le verset, lorsqu'on revient au verset, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. C'est-à-dire, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Taïb, Allah Azzawajal n'a créé uniquement les djinns et les hommes pour qu'ils l'adorent. Taïb, est-ce qu'on voit maintenant des gens qui adorent Allah Azzawajal et des djinns qui adorent Allah Azzawajal? Naam. Est-ce qu'on voit des gens et des djinns qui n'adorent pas Allah Azzawajal? Naam. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. هذا الذي نشاهد. C'est-à-dire, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on témoigne de nos jours. Qu'il y a des hommes qui adorent Allah et des hommes qui n'adorent pas Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, comment on comprend le verset? Alors qu'Allah Azzawajal nous dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. L'avis qu'il va donner, l'imam al-Qurtubi, un des avis, c'est-à-dire que cela, ce qu'il a dit, ce qu'il a cité, Allah Azzawajal, c'est par rapport à ce qui a été déjà connu dans la science d'Allah Azzawajal. Fiman sabaqa fi ilmillah. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal, il sait bien sûr à l'avance ceux qui vont l'adorer et ceux qui ne vont pas l'adorer. Et donc ce verset là il est spécial pour ceux qui vont l'adorer concrètement. Par contre, lorsqu'on revoit maintenant Allah, c'est-à-dire lorsqu'on revoit les termes qui sont employés, ils sont employés de manière générale. C'est-à-dire qu'on voit bien El Jinn wal Ins, c'est-à-dire tous les hommes. On comprend par là tous les hommes et tout, ou tous les djinns et tous les hommes. Wa ma'na'u al-khusus. Donc, il est venu où l'exposition du verset est générale, mais on veut par ce verset où le sens de ce verset va être particulier. Et donc, le sens qui va en découler, c'est ce que nous dit le shir, wa ma khalaqtu ahl sa'adati min al-jinn wal ins illa liwahidun. C'est-à-dire, je n'ai pas créé les gens du bonheur parmi les... Pourquoi les gens du bonheur? Ceux qui vont bien sûr rentrer au paradis. Parmi les djinns et parmi les hommes, que pour qu'ils m'adorent ou qu'ils me vouent un culte exclusif. Illa liwahidun. Taïb. Donc c'est ça le marna, d'après certains savants, c'est ça le marna ou le sens du verset. C'est-à-dire, je n'ai pas créé les gens du bonheur. Et ici donc, d'après la compréhension qui nous est donnée par ces savants, on ne comprend pas ou ne rentre pas dans ce verset-là tous les gens et tous les hommes, même si l'exposition du verset est de manière générale, lorsqu'Allah Azzawajal dit « Jinna wal in », c'est-à-dire tous les hommes et tous les djinns. Par contre, le sens, il est plus particulier et on veut, tout simplement, Allah Azzawajal a voulu par là, les gens du bonheur, c'est-à-dire les gens qui vont entrer au paradis. C'est ceux qu'il a créés pour qu'ils rentrent au paradis et pour donc, avant cela, qu'ils adorent Allah Azzawajal. Ça, c'est un avis. Le deuxième avis qu'il va nous donner, c'est l'avis de l'imam Ibn Kathir fi tafsiri. Yaqul ay innama khalaqtuhum li'amuruhum bi'ibadati la li'ihtiyaji ilayhim. Tayyib. Lui, ce qu'il voit Ibn Kathir, c'est que l'explication de ce grand verset wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, c'est-à-dire je ne les ai créés que pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Et que je n'ai pas besoin d'eux pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Donc regardez bien le sens maintenant. Wa ma khalaqtul jinna wal ins, c'est-à-dire inna ma khalaqtuhum li'amurhum bi'ibadati, c'est-à-dire donc je les ai créés entre parenthèses pour leur ordonner qu'ils m'adorent. Donc le résultat, il va en avoir qui vont obéir à Allah Azzawajal et d'autres qui ne vont pas obéir à Allah Azzawajal. Donc le verset n'est pas en contradiction avec ce qu'on voit actuellement. Et dans la première explication qui avait été donnée par l'imam al-Qurtubi également, c'est-à-dire donc ici les savants ont donné une explication du verset qui va bien sûr être en conformité avec ce qui est présent, des gens qui adorent Allah et des gens qui n'adorent pas Allah. Donc on ne peut comprendre le verset qu'Allah Azzawajal a créé tous les gens pour qu'ils l'adorent, c'est-à-dire qu'ils vont tous l'adorer. Ça c'est khilaf al-waqir, c'est contraire à ce qu'on peut voir. Donc c'est à partir de là que devient ou que vient explication de ces savants pour ce verset. Donc bien comprendre ce verset, un verset qu'on emploie souvent, qu'il faut comprendre en détail. Et ensuite il va nous donner un autre avis et qui va être l'avis le plus fort ou un avis qui est très précis. C'est pour ça qu'il va rapporter la parole de son shir, qui est shir Muhammad al-Amin al-Shanqiti, dans son livre bien entendu Abwaul Bayan, dans son tafsir Abwaul Bayan. Il dit wa at-tahqiq insha'Allah في معنى هذه الآية الكريمة إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية لأنه تدل عليه آية محكمات من كتاب الله فقد صرح تعالى في آية من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملا وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم. Et ensuite il va nous citer plusieurs versets, on va revenir sur ces versets. Donc le shir lui il voit ici que la définition ou que le sens exact du verset illa liya'budun, donc il va revenir ici au sens illa liya'budun, c'est-à-dire sauf pour que je leur oblige ou que je leur ordonne de m'adorer. Et donc il rajoute ici le shir et que je les éprouve. Et que je les éprouve. C'est-à-dire qu'il va les éprouver, Allah Azza wa Jal, et il va les tester par ce qu'il leur a ordonné de manière générale. Taïb, et qui va rentrer bien sûr dans l'adoration. Et ensuite, à partir de là, il va les récompenser ou va les rétribuer suivant leur action. Si c'est un bien, alors ce sera un bien. Et si c'est un mal, alors ce sera un mal. Et le shirk, pourquoi il revient à cette... Il va choisir cette explication. Il va également donc rajouter, en plus, par rapport à l'avis, ce qui est en plus par rapport à l'avis de Ibn Kathir, il va rajouter, je les éprouve également. C'est-à-dire, je les éprouve par rapport à cela. Il va tout simplement revenir, le shirk, à d'autres versets du Coran. Et on sait que son tafsir, c'est un tafsir al-Qur'an bil-Qur'an. C'est-à-dire que le shirk, lui, il va expliquer dans son tafsir les versets du Coran par d'autres versets du Coran. Donc ici, c'est ce qu'il va faire. Il va revenir avec d'autres versets du Coran qu'il voit qui sont ayatul muhkamat. Et ça, c'est aussi important, un terme très important qu'il va employer, le shirk. لِأَنَّهُ تَدُلُّ عَلَيْهِ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. D'autres versets qui sont dits muhkamat. Qu'est-ce que veut dire muhkamat? Et ici, on va ouvrir une grande parenthèse et on va expliquer ce terme et exactement ce qu'il veut dire. Parce que c'est un terme qui est important, et vu qu'on est en train d'expliquer le Coran, et ce terme-là, il est beaucoup employé par rapport ou pour ce qui concerne les versets du Coran. Donc, il va de soi qu'il est important de comprendre ce que veut dire muhkamat et de voir les différents avis des savants par rapport à ce terme. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à ce terme, les savants, et comment donc on va comprendre cette catégorie de versets qui sont muhkamat, pour ensuite comprendre le sens de la phrase du shirk, parce que cela est un terme technique qui est employé par le Coran au sujet des versets taïb. Et donc, pour comprendre la phrase du shirk, il faut comprendre qu'est-ce que veut dire le terme muhkamat. Taïb. Donc on a deux termes. Les versets du Coran, ils ont été définis comme appartenant à deux catégories, c'est-à-dire sous un aspect bien précis, et donc qui s'appelle al-muhkamat ou al-mutashabihat. Ça, c'est deux catégories et deux sortes de versets que l'on trouve dans le Coran, al-muhkamat ou al-mutashabihat. Dans un premier temps, il faut savoir que le terme muhkam, par rapport au verset du Coran, il a un sens qui est général. Kadhalik, le terme mutashabi, il a un sens qui est également général dans le Coran. Et lorsqu'on dit il a un sens général, c'est-à-dire que tous les versets ont été désignés dans le Coran comme étant muhkamat. Et que tous les versets également ont été désignés comme étant mutashabihat. Mais dans ce sens-là, un sens général, la preuve de cela, c'est qu'Allah Azzawajal dit dans son livre, Kitabun uhkimat ayatu. Kitabun uhkimat ayatu. Donc le verbe ici, uhkimat, et donc on va revenir bien sûr au terme al-muhkam. Donc à la base, c'est le verbe et qui est employé ici. Kitabun uhkimat ayatu. Lorsqu'on revient à la traduction, ça c'est fait surat Hud. Ce verset-là, c'est fait surat Hud. Et c'est le premier verset. Kitabun uhkimat ayatu. C'est un livre dont les versets sont parfaits, en style et en sens. C'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Donc ici, le terme uhkimat, ça veut dire yani al-kitab al-mutqan alladhi ou nam al-mutqan alladhi la yatatarraqu ilayhi al-khalal la yatatarraqu ilayhi al-khalal, c'est-à-dire c'est un livre qui est parfait et dont aucune imperfection et aucun défaut n'est présent ou ne vient toucher ce livre-là. Aucune imperfection, aucun défaut ne vient toucher ce livre-là. C'est donc ici, dans ce sens, que tous les versets du Coran sont considérés comme muhkamat, dans ce sens-là, et qui prend ainsi un sens qui est tout à fait général. Pourquoi? Parce qu'il concerne tous les versets du Coran. Donc c'est un livre dont les versets sont parfaits, quant à leur sens et quant à leur style. Tous les versets du Coran, donc, vu que c'est la parole d'Allah Azzawajal, sont comme cela. Et donc, ce sont tous, dans ce sens-là, muhkamat. Muhkamat. Ayatou. Pour le terme, et le deuxième terme ici, que l'on va donc citer, c'est al-mutashabihat, ou al-mutashabi. Et dans le Coran, il est venu également ce terme pour désigner tous les versets du Coran comme étant mutashabihan. Et c'est dans le verset qui se trouve, sur surat Zumar, qui est le verset 23, les groupes, qui est le verset 23, où Allah Azzawajal, il dit. نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا كتابا متشابها مثانيا. La traduction du sens, un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. Ce livre ou un livre dont les versets se ressemblent et se répètent. C'est-à-dire, comment on va comprendre le terme mutashabihan ici ? Yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wa sidq. C'est-à-dire que tous les versets se ressemblent les uns à l'autre, mutashabihan, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent pour ce qui est de la beauté de ces versets et pour ce qui est également de la véracité, de la sincérité de ces versets. Yushbihu ba'duhu ba'dan fil husni wa sidq. Et donc à ce moment-là, tous les versets sont considérés comme mutashabihan lorsqu'on prend cette signification générale du terme mutashabi. Tous les versets sont considérés comme cela dans le Coran, car ce sont tous des versets qui se ressemblent par rapport à leur beauté et également par rapport à la véracité et à la sincérité qu'ils contiennent, car c'est la parole d'Allah Azzawajal. Et donc ce sont tous les versets. On voit dans les traductions, il y a certains versets, et ici on comprend que ce sont tous les versets, parce que le terme ici il est général et il concerne donc tous les versets. Non. Ensuite, ça c'est pour ce qui est du sens et de l'acceptation générale de ces deux termes, al-muhkam ou al-mutashabi, qui sont présents dans le Coran. Ensuite, on va voir, et ça va être à partir de là qu'on comprendra la parole du shir, on va voir que les versets du Coran se divisent en deux catégories, des versets qui sont dits muhkamat et des versets qui sont dits mutashabihat. C'est-à-dire des versets qui vont entrer dans cette catégorie et d'autres versets qui vont entrer dans l'autre catégorie. Et à partir de là, donc, les versets vont se diviser en deux catégories sous cet aspect-là. Et donc, on va voir que le terme al-muhkam et le terme al-mutashabi vont avoir une acceptation bien plus particulière que la première ou que le premier sens qu'on a cité et désigné. Et le verset qui désigne donc cette différence, c'est le verset qui est connu de la plupart, qui fait surat Ali Imran, qui est le septième verset. Wallah Azza wa Jalla yaqul wa alladhi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat. Wa alladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamat. Et donc ici min li tab'id, comme on a déjà vu. Al min huna li tab'id, c'est-à-dire certains versets. Parmi les versets du Coran, il y a ceux qui sont considérés comme muhkamat. Donc on voit bien la division ici. وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَةٌ مُحْكَمَاتٌ. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre. Umul kitab, qui sont la base du livre. Pourquoi ? Parce que le terme Um désigne en fait l'asr, ça désigne la base de toute chose, l'Um. C'est pour ça que l'enfant, par rapport à sa mère c'est une base par rapport à lui. Il est sorti du ventre de sa mère, donc c'est la base. Donc on appelle la mère Um. Donc ici on voit le sens général du terme Um. Hunna umul kitab. Et ensuite il dit Allah Azza wa Jal wa ukharu mutashabihat, et d'autres qui peuvent donc, comme ils le traduisent, et on va voir exactement la signification, et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Donc ça c'est pour la deuxième catégorie. Donc on voit ici que dans ce verset Allah Azza wa Jal a divisé les versets du Coran en deux catégories, muhkamatun mutashabihat. À partir de là, pour donner une définition et pour comprendre ces deux catégories, il faut savoir que les savants ont divergé. On va rappeler certaines paroles des savants, et on rappelle simplement ces divergences, pas pour rendre la compréhension plus lourde, mais bien au contraire, pour comprendre également l'acceptation de ces termes, ou le sens de ces termes, muhkam al-mutashabi, et ce qu'ils peuvent englober. Certains savants, comme le Qabi Abu Ya'la, et d'autres savants également, ils disent que le terme, ou que la catégorie muhkam, ce sont les versets mufassar. C'est-à-dire les versets qui sont détaillés et qui sont expliqués. Les versets détaillés et les versets expliqués, ça, ce sont ayatul muhkamat. Ou al-mutashabihat, ce sont les versets mujmal, c'est-à-dire les versets qui ont un sens global et général. Ça, c'est un des avis qui était donné par les savants. Donc le premier, al-muhkamat, détaillé et expliqué. Et le deuxième, mujmal, c'est-à-dire les mutashabihat, mujmal, global et général. Également, d'autres savants disent que al-muhkam al-muttadih al-ma'na, c'est-à-dire dont la signification est claire. La signification est claire. Ça, c'est ayatul muhkamatun. Ou al-mutashabi, dont le sens est flou, pour ceux qui ne font pas partie des savants. Donc ici, les savants donnent une restriction. Le sens est flou pour ceux qui ne font pas partie des savants, qui n'ont pas en fait la science suffisante pour pouvoir comprendre certains versets du Coran. Donc à partir de là, pour ces gens-là, ce sont des versets qui sont dits mutashabihat. Par contre, al-muhkam, les versets muhkamat, sont donc ceux dont la signification est claire. Taïb. Ça, c'est un avis. Un autre avis également, qu'on cite, un avis de certains savants, qui ont dit tout simplement le mutashabihat, ce sont al-huruf al-muqatta'a. Ça, c'est les premiers cours qu'on avait vus, qu'on avait expliqué le livre, les lettres séparées. Et comme on a vu dans un des versets qui a été cité auparavant, alif al-amara. Ça, c'est ce qu'on appelle les lettres séparées, al-huruf al-muqatta'a. Donc certains savants ont dit, c'est ça le marna al-mutashabihat. Ce sont ces versets-là, qui sont bien sûr des versets qui débutent certaines sourates du Coran. Et pour ce qui est al-muhkamat, ce sont tous les autres versets, tous ceux qui ne rentrent pas dans ou qui ne font pas partie des al-huruf al-muqatta'a, c'est-à-dire les lettres séparées. Ça, c'est également un avis des savants. Et d'autres savants également, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à al-muhkamat ou al-mutashabihat? Ils disent que al-mutashabih, alladhi ista'athara Allahu bi'ilmi ma'nahu. Alladhi ista'athara Allahu bi'ilmi ma'nahu. Dont Allah a gardé en secret la science des sens. Ou du sens du verset qui dit mutashabi, c'est-à-dire un sens dont seul Allah Azzawajal connaît la signification. Et les autres versets, les versets qui sont dits muhkamat, ce sont bien sûr les versets qui ne rentrent pas dans cette catégorie, dans cette catégorie-là. Taïd. Et ça, c'est le madhab jama'ir al-mutakhirin. Beaucoup de savants qui sont venus bien après, mais le sens qui est retenu par rapport à cela, et qui est un sens qui va revenir à certaines les explications qui ont été données, c'est que Al-Muhkam, c'est le verset dont le sens est clair et sans ambiguïté. Dont le sens est clair et sans ambiguïté. Ça, c'est Al-Muhkam. Le verset qui dit Al-Muhkam. Taïb. Et également, ils disent, ils rajoutent les savants, pour bien faire comprendre cette catégorie de versets. Donc Al-Muhkam ou Al-Muttadir Al-Ma'na. Al-Muqarrir et Usul al-Din wa Qawa'idi. C'est-à-dire également des versets qui viennent édifier, mettre en place les bases de la religion et ses règles. Donc, Al-Muhkam, c'est le verset dont le sens est très clair, sans une seule ambiguïté, et qui vient en plus de cela mettre en place et édifier des bases de la religion et de ses règles. Taïb, ça c'est pour ce qui est Al-Muhkam. Ayatul Muhkamat. Et pour ce qui est Al-Mutashabihat, ou le verset qui dit Mutashabih, ou celui dont deux sens sont plausibles quant à sa compréhension. Celui dont deux sens sont plausibles quant à sa compréhension. C'est-à-dire, « an al-mutashabi » ou « al-muhtamil al-ma'nayayn »« ahadima sahihun yuwafiq al-muhkam »« wa thani fasidun yunaqidu » Donc, un sens qui va être authentique, en conformité avec le verset qui va être dit « muhkam » et un autre sens qui ne va pas être valable et qui va justement à l'encontre du « muhkam ». Donc, on voit qu'al-mutashabi, c'est un verset au départ, lorsqu'on regarde ce verset-là, qui peut comprendre deux sens. Donc deux sens sont plausibles quant à sa compréhension, quant à la compréhension du verset. Mais après, en regardant et en faisant revenir ce verset-là aux versets qui sont dits muhkamat, on va voir qu'il y a un sens qui est authentique, en conformité donc avec le premier style de verset, ceux qui ont un sens clair et qui ont mis en place les bases de la religion et ses règles. Et un autre sens, le deuxième sens qui était plausible, mais qu'on va voir lorsqu'on les fait revenir aux muhkamat, qui ne sont pas valables et qui vont donc à l'encontre de cela. Et on sait que madhhab ahli sunnati wal jama'a, c'est-à-dire la méthodologie employée dans la compréhension de ces versets-là, ceux qui sont dits muhkamat ou mutashabihat, et plus particulièrement al-mutashabihat, comme c'est connu, yaruddu la mutashabihat ila al-muhkamat, c'est-à-dire que les savants, des gens de la sunna et du consensus, ils font revenir le verset qui dit mutashabi, donc il y a une ambiguïté par rapport à son sens, c'est-à-dire à partir de là qui peut comprendre deux sens, mais un sens qui est en conformité avec le muhkam, et un sens qui n'est non valable. Donc ils font revenir ce verset-là, le mutashabihat, au verset qui sont dit muhkamat. Et à partir de là, ils vont tout simplement retenir le sens qui est en conformité avec al-muhkamat. Ça, c'est le madhab al-sunnati wal-jama'a, et c'est très très important à comprendre. Très important à comprendre. Parce combien de gens de l'innovation, ils disent avoir des preuves. Ils disent non à des preuves du Coran par rapport à ce qu'on dit, pour appuyer leur innovation. Mais lorsqu'on revient à ces preuves-là, on voit que c'est des preuves qui sont prises de versets na'am, des versets du Coran na'am, mais des versets qui sont dits mutashabihat. Et eux, ils vont prendre le sens justement qui est contraire au sens du verset qui va être dit muhkam. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ. Et c'est pour cela donc qu'Allah Azza wa Jal dit ensuite, les gens qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets qui sont équivoques, c'est-à-dire al-mutashabihat. Ma tashabaha minhu, on revoit le terme employé par Allah Azza wa Jalla. Donc al-mutashabihat, tayyib, ils mettent l'accent sur cela. Ils reviennent sur ces versets-là et ils vont prendre le sens qui est contraire, qui est facile, facile, yunaqibu, yunaqib al-muhkam, qui est contraire donc à ce qui est dit, ou le verset qui est dit, muhkam. Et donc à partir de là, ils mettent en place leurs règles et ils mettent en place leur innovation sur des versets de ce style. Et donc on voit hadha batil, wala khilaf min ajli sunnati wal jama'a. On voit bien que c'est le contraire de la méthodologie des gens de l'innovation par rapport à la compréhension de ces styles de versets. Wallahu musta'an. Et pour citer un exemple de ce qui a été pris comme verset dit donc mutashabihat, dans certains tafsirs, al-mufassirun, c'est-à-dire les gens du tafsir, nous ont rapporté une histoire qui est arrivée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les chrétiens de Najran, d'une contrée qui s'appelle Najran, qui sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à l'islam, c'est-à-dire pour savoir par rapport à l'islam. Et en fait, eux, ils ont une connaissance de certains versets du Coran. Et parmi ces versets, le verset suivant, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, c'est-à-dire lorsqu'Allah Azzawajal il parle de Isa, il dit فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا, c'est-à-dire nous y insufflâmes alors de notre esprit. Comme ça ils vont traduire ça fait surat al-tahrim et c'est le verset 12, surat al-tahrim, l'interdiction, et c'est le verset 12, فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا. Et donc vous savez que Isa, il a été créé bien entendu sans père. Et ça, c'est une preuve qu'Allah Azza wa Jal, il est capable de tout. Il est capable de créer un être à partir d'un père et d'une mère, et d'un être à partir d'une mère sans père. Taïb. Et donc, lorsqu'ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont vu que dans le Coran, il n'y avait pas de contradiction avec leur croyance, la croyance qui était de dire que Jésus est le Fils de Dieu. Ta'alallahu amma yaqulun. Et ça c'est important, je le cite, parce que pour la plupart des frères, ils vivent entre les chrétiens. Et ça peut être une chouette avec laquelle ils viennent. Taïb. Et donc on va voir comment nous on comprend le Coran. On va voir que la science ici également, c'est très important. Lorsqu'ils sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils ont cité ce verset, ils ont dit tout simplement qu'il n'y a aucune contradiction. Donc que notre croyance, on est déjà donc musulman, dans ce sens qu'on est déjà musulman, parce qu'on a bel et bien cru à partir de ce verset-là, que Jésus est le Fils de Dieu. Ta'alallahu amma yaqulun. Fanafakhna fihi min ruhina. Nous les insufflâmes alors de notre esprit. Comment ils ont compris le verset? Et c'est un verset qui peut, pour la personne qui ne comprend ou qui n'a pas eu de base au niveau de la croyance, qui peut comprendre, en revenant donc au sens linguistique du verset, on peut comprendre fanafakhna fihi min ruhina, c'est-à-dire. Min ruhina, c'est-à-dire de notre esprit. Et de notre esprit ici, min bab, al min, ici on revoit encore l'explication qu'on avait déjà donnée par rapport à une des catégories du min. On a vu que min, il a plusieurs significations. Et parmi les significations qui sont données par les savants, min, les tab'id, c'est-à-dire de part ou parmi notre esprit. De parmi notre esprit, c'est-à-dire une partie de notre esprit. Taïd, une partie de notre esprit. Pour dire donc que. Pour attester, eux, ils vont prendre ce verset pour attester que Jésus est bel et bien le Fils d'Allah. Ta'alallahu amma yaqulun. Comment on va répondre à eux? Tout simplement, on va leur répondre pour le verset en lui-même, c'est clair. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que le min, il a plusieurs significations au niveau du sens. Au niveau de son sens. Et min, parmi également les significations qui sont citées par les savants, qui traduisent donc al-min, c'est ce qu'on appelle ibtida al-raya. Min. C'est-à-dire l'ibtida al-raya, ça fait partie d'une des significations de min, et qui n'est pas ici, qui ne prend pas comme signification un tab'id. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, ibtida al-raya? Lorsque tu dis, kharajtu min bayti ila al-masjidi. Kharajtu min bayti ila al-masjidi. Lorsque tu dis, je suis sorti de ma maison pour aller à la mosquée. Donc, kharajtu min bayti, c'est-à-dire à partir de ma maison, pour aller jusqu'où? Il a al-majid, pour aller jusqu'à la mosquée. Ça, c'est ce qu'on appelle min li ibtida al-raya. Taïd, Ça, c'est une des significations du mine. Et c'est la signification qui est employée ici. Et à partir de notre esprit, nous influons alors à partir de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. À partir de notre esprit. Et ça ne fait pas partie de notre esprit. Donc il y a bien une différence entre les deux sens. Ça, c'est la première chose. Également, par rapport à Al-Mufassirun, ils sont tous d'accord par rapport à cela. Min ruhina ruh, c'est-à-dire Jibril, alayhi salam. Jibril, alayhi salam, qui est bien sûr cité comme étant ruh, comme étant l'esprit. Et on sait bien que c'est donc, à partir de là, Jibril, qui est venu avec la parole d'Allah Azzawajal, et donc, qui l'a insufflé dans Maryam, et qui à partir de là, donc à partir de la parole d'Allah Azzawajal, on voit bien ici Al-Min, Ibtida Al-Ghaya, qui à partir de la parole d'Allah Azzawajal, il a créé Isa. Et ce n'est pas une partie de la parole d'Allah. Autre verset, wa kalimatu alqaha ila Maryam, wa kalimatu alqaha ila Maryam, c'est-à-dire une, wa kalimatu, c'est-à-dire sa parole qu'il a placée dans Maryam, ila Maryam, alqaha ila Maryam, wa ruhu minhu. Et donc à partir de ce verset-là, on comprend que al-kalimat c'est kun, comme on le sait. Al-kalimat c'est kun, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal l'a créé par kun, soi. Et donc à partir de ce kalima, à partir de ça, cette parole, et que la parole d'Allah Azza wa Jal est bien sûr créé, ça fait partie de ses sifat, donc il a été créé à partir de la parole d'Allah Azzawajal. Taïeb, et on avait vu également à partir de là, Narud, Alaman, Alal Jahmiya, ceux qui ont dit que la parole d'Allah Azzawajal est créée. Ceux qui ont dit que la parole d'Allah Azzawajal est créée. Si la parole d'Allah Azzawajal a été créée, alors il n'y aurait eu aucune différence entre la création de Isa et les autres hommes. Et Narud, Alal Nasara, c'est-à-dire qu'on réfute également, on réfute la croyance des chrétiens pour dire que El Kun, c'est-à-dire la parole d'Allah Azzawajal qui est Kun, Isa il a été créé à partir d'elle. Il n'a pas été créé d'elle, c'est-à-dire qui fait partie de sa parole. Ou qui fait partie également ici dans le verset Min Ruhina, eux ils ont voulu, les chrétiens, parce qu'ils sont venus voir le prophète Sam, utiliser l'explication du verset comme tel. Donc ça c'est un verset qui va rentrer dans ce qui est mutashabihat, dans ce sens. Et lorsqu'on revient à d'autres versets qui vont appuyer donc les bases de notre croyance, de la croyance du Coran, et qui sont muhkamat, et c'est qu'à partir de là donc on va ramener ce qui est mutashabihat et al-muhkamat, de façon claire qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran, ma kana lillahi an yattakhidha walad, subhana. C'est-à-dire Allah Azza wa Jalla, il n'incombe pas Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla ne prend pas un enfant, pureté à lui. Ça c'est un verset muhkamat, aucune ambiguïté par rapport à sa compréhension, verset qui est clair et qui vient mettre une base dans la religion. C'est qu'Allah Azza wa Jal, il est seul, il est l'unique, celui seul qu'on adore, et il ne peut avoir d'enfant. Ma kana lillahi an yattakhidha walad, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne lui incombe pas qu'il prenne un enfant. Subhana, pureté à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est un verset qui est muhkam. Donc le verset fanafakhna fi min ruhina, on va tout de suite comprendre à partir de là qu'on va ramener le verset qui dit mutashabihat ila al-muhkamat, et on va comprendre donc ce verset que c'est bel et bien ici ce qui a été insufflé dans Maryam, ce n'est pas une partie d'Allah ta'ala Allah an dhalik, mais c'est à partir donc du kalimat, à partir du mot d'Allah azawajal, wa kalimatu alqaha ila Maryam, à partir de son mot là. Taïb, donc regardez comment on va comprendre et comment on va leur expliquer à ces gens là l'erreur dans laquelle ils sont, et qu'ils sont donc raccrochés à des versets qui sont dits mutashabihat. Ils comprennent ce qu'ils veulent par rapport à ce verset, du moment où, au niveau linguistique, on peut en tirer profit. Taïb. Donc, ça c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Et bien comprendre le minhaj al-sunnati wal-jama'a, la méthodologie gérante de la sunna et du consensus pour ce qui est des versets mutashabihat et des versets muhkamat. C'est pour ça que certains savants disent al-kalima qui est kun laysa al-kalimatu sarat Isa walakin bil-kalimati sara Isa, c'est-à-dire ce n'est pas le mot qui est devenu Isa, walakin bil-kalimati sara Isa, c'est-à-dire à partir de ce, à partir, on dit bien à partir de, yani min ibtidal ghaya, c'est à partir de ce mot kun que Isa est devenu, c'est-à-dire qu'il a existé. Taïb. Ensuite, pour revenir à la fin de l'explication qui nous est donnée par le shir, donc on voit bien ici, en revenant à la parole de Shir Muhammad al-Amin, « Yannahu tadullu alayhi ayatun muhkamat », C'est-à-dire que l'explication « illa liyabudun » dans le verset « wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun » il va donc revenir lui à d'autres versets qui sont dits « muhkamat » et qui vont nous faire comprendre de manière évidente la signification du verset « wama khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun ». Donc on comprend maintenant mieux ce terme qui est employé par le shir. Parmi les versets qu'il va prendre, « kama fi awal surat Hud » c'est-à-dire dans les premiers versets de surat Hud et qui est le verset suivant, وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. C'est lui qui a créé les cieux et la terre durant six jours. في ستة أيام وكان عرشه على الماء. Et son trône était sur l'eau. ثم بين الحكمة في ذلك. C'est-à-dire qu'à partir de ce verset-là, Allah Azza wa Jalla ensuite, il va mettre en évidence la sagesse de cela, de cette création. Et il dit, يبلوكم أيكم أحسن عملا. شفت ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا. Et donc la suite du verset c'est celui-là. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc Allah Azza wa Jalla met en évidence ici la sagesse de la création des cieux et de la terre. طيب ليبلوكم أيكم أحسن عملا. C'est-à-dire afin d'éprouver lequel de vous agirez le mieux. Donc regardez le verset. Comment il vient l'expliquer. Donc on voit bien ici, si on revient donc au verset وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc on voit bien ici que dans la signification vient يَبْلُوَكُمْ, comme ici c'est mis en évidence dans ce verset qui dit مُحْكَمْ. Un autre verset qui nous cite, parce qu'il y en a plusieurs, il dit Allah Azza wa Jal أَلَا فِي أَوَلْ سُرَةِ الْمُلْكِ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Celui donc qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. Donc ici il y a la création de la mort et de la vie afin de quoi? De vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tayyib. Donc on a vu le verset d'avant également la même parole, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. De même fi au début de sourate également sourate Al-Kahf. Il dit Allah Azza wa Jalla inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Et donc le verset qui est suivant, nous avons placé ce qu'il y a sur la terre pour embellir, afin d'éprouver les hommes, entre parenthèses les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Donc on voit bien ici dans tous ces versets, qu'il dit Cheikh, فَتَصْرِيحُ جَلَّ وَعَلَى فِي هَذِي الْآيَةِ الْمَفْكُورَةِ بِأَنَّ حِكْمَةَ خَلْقِهِ لِلْخَلْقِ هِيَ إِبْتِلَاءُهُمْ أَيُّمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فَسِّرُوا قَوْلَهُ يَعْبُدُونَ وَخَيْرُ مَا يُفَسَّرُ بِهِ الْقُرْآنُ الْقُرْآنَ. Donc il nous dit le shir à partir de là, on a vu que Allah Azza wa Jalla dans tous les versets qui ont été cités, il nous met en évidence que l'hikma, c'est-à-dire la sagesse dans la création, dans toute sa création, et bien sûr la création des hommes et la création des djinns, c'est donc pour les éprouver. C'est donc pour les éprouver. Et bien sûr comment il les éprouve Allah Azza wa Jalla? Il les éprouve en leur ordonnant et il les éprouve en leur interdisant. Et ça revient à l'adoration. Et ça revient à l'adoration. Donc on comprend ici, compréhension qui est claire et nette, qu'il n'y a aucune contradiction entre ce qui est actuel, c'est-à-dire qu'on voit des hommes qui adorent Allah Azza wa Jalla, d'autres qui n'adorent pas Allah Azza wa Jalla. Taïb. Donc ensuite, pour le shir, il explique la suite de la sourate, c'est-à-dire après le verset 56 qui est cité. Yani, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, dans le verset suivant, ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Donc ici le shir va nous expliquer également l'explication du Coran par le Coran. Et il nous dit donc que l'explication du verset ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, il est expliqué par le verset qui avait été cité auparavant, que le verset 14 qui se trouve sur surat Al-An'am. وهو يطعم ولا يطعم. وهو يطعم ولا يطعم. Et donc on avait traduit comme cela, c'est lui qui donne, c'est lui qui pourvoit la subsistance. Wa huwa yut'im. Donc on voit ici bil kasra al-ayn. Wa huwa yut'im. Ou c'est lui qui nourrit et personne ne le nourrit. Wa la yut'im, c'est-à-dire personne ne le nourrit. Donc on voit que la signification du verset est expliquée par l'autre verset. Wa al-qira'atu bi kasra an-nun mubayyinatun liqawli wa la yut'im. Voilà, yut'am. C'est-à-dire donc ici, lorsqu'il dit Allah Azza wa Jalla, wa ma uridu an yut'imun, on revient donc au verset fi surat al-An'am, lorsque Allah Azza wa Jalla dit wala yut'am, wala wala yut'am, c'est-à-dire qu'on ne nourrit pas. Et donc dans ce verset wama uridu an yut'imun, je ne veux pas qu'il me nourrisse. Donc ici c'est là où ce verset qui met en évidence l'autre verset. Et donc ensuite dans le verset inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin mubayyinatun liqawli wa huwa yut'imu wal matin huwa shadid al-quwwa. Donc également dans la suite du verset inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, il est expliqué ce verset où ce verset vient mettre en évidence wa huwa yut'im, wa huwa yut'im, c'est-à-dire c'est lui Allah azza wa jall qui donne, qui pourvoit, qui donne la subsistance. Donc wa huwa yut'im, si ça vient dans l'explication ou dans le même sens du verset inna Allah huwa ar-razzaq, c'est-à-dire celui qui donne la subsistance. Et ensuite il nous dit le shir wal matin huwa shadid al-quwwa, c'est-à-dire le matin celui qui dure en force. Ensuite il nous dit le shir wa taqdim al-jin al-ins fi dhikri qawlihi wa ma khalaqtu al-jin wal-ins. On a vu donc que Allah azza wa jall il a mis dans un premier ou il a cité en premier lieu al-jin et ensuite al-ins fi qawlihi subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtu al-jin wal-ins. Il nous dit li taqaddum al-jin kama qala ta'ala wa laqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Donc on voit ici que dans ce verset également, comme dans le verset précédent, Allah Azza wa Jalla lorsqu'il cite dans un premier temps ma khalaqtu al-jin, parce que les djinns ils ont d'abord été créés et ensuite ont été créés les hommes. Donc la création des hommes a été après la création des djinns. C'est pour ça ici qu'Allah Azza wa Jalla a cité les djinns en premier, ensuite les ins. Et bien sûr le verbe qui a précédé khalaqt, c'est-à-dire donc ici c'est la création. Et également dans le verset qui nous a cité, qui est surat al-Hijj, qui est le verset 26 et le verset 27. Wa laqad khalaqna al-insan. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit comment il a créé l'homme. Nous créâmes l'homme d'une argile crissante. Min salsalim min hama'im masnoun. Extraite d'une boue malléable. Min hama'im masnoun. Et ensuite, il a mis en évidence la création des djinns. Wal janna khalaqnahu min qablu. Min qablu. Donc on voit ici que min qablu, ça revient, c'est-à-dire avant la création de l'homme. Donc ici ce verset il est clair et net pour dire que les djinns ont été créés avant les hommes. Min qablu min naris samum. Donc il nous explique Allah Azza wa Jalla également ici comment ils ont été créés. Et quant aux djinns, nous l'avions auparavant créé d'un feu, d'une chaleur ardente. Et ensuite il nous dit Shia waqad quddima al-jinn. Al-jinn wa al-ins fil ayati allati dhukira fi al-jinn wa al-ins illa fi thalathati mawadhi'. C'est-à-dire donc Allah Azza wa Jalla il a toujours lorsqu'il cite les djinns et les ins dans les versets où Allah Azza wa Jalla donc cite ces deux catégories de créatures, il a toujours mis en premier les djinns, il a toujours cité en premier les djinns et ensuite les ins, sauf dans trois endroits du Coran, sauf dans trois endroits du Coran, et c'est les versets qu'il va nous citer le shir ici. Le premier verset c'est du surat al-An'am, c'est le verset 112 où Allah Azza wa Jalla yaqul wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan ash-shayatin al-ins wal-jinn. Donc on voit ici l'ins ou l'jin. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّينَ عَدُوًا. Ainsi, à chaque prophète, avons-nous enseigné un ennemi, des djabs. شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ. Des djabs entre les hommes et des djinns. Donc ici, le premier qui est cité, les hommes. Et ensuite, les djinns. وَالثَّانِي فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ. Et le deuxième verset, c'est dans le surat al-Isra, qui est le verset 88. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Dit même si les hommes et les djinns, donc ici لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ, donc les hommes, citation des hommes et ensuite des djinns, s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable même s'ils se soutenaient les uns les autres. Et ensuite le dernier verset qui est cité والثالث في سورة الجن في قوله لهم في سورة الجن qui est le verset 5 وأن ظننا, et nous pensions que ni les humains ni les djinns, وأن ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا, et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne seraient jamais proférés de mensonges contre Allah. Donc ici ins a été d'abord cité, ensuite le terme al-jinn. Et donc voilà pour l'explication de ce verset. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.